va la Libye. Dotée de centaines de milices qui menacent à tout moment de la plonger dans une guerre civile, pourvue de deux gouvernements antagonistes et d'un général qui, à défaut de se prendre pour un nouveau De Gaulle, se verrait bien comme un maréchal Sissi libyen. Une Libye proche de l'éclatement et dont le sud désertique est devenu un sanctuaire pour les djihadistes de tout poil. Tel est donc le pays, 4 ans après l'intervention militaire franco-britannique et la disparition programmée de Muammar Kadhafi, qui régnait sur la Libye depuis 1969. Le bilan est donc accablant. Là où certaines bonnes âmes avaient cru aider à la naissance d'un nouveau printemps arabe, ne subsiste qu'un chaos lourd de futures menaces. Une ville de la Cyrénaïque, Derna, a par exemple déjà proclamé son allégeance au califat des égorgeurs islamistes de Daesh. Et assez récemment, un attentat dans un hôtel de Tripoli, attentat revendiqué par ce même Daesh, a causé la mort de 9 personnes, dont un pilote français. Mais seuls les vrais connaisseurs de la Libye ne sont pas étonnés, car ils ont dénoncé dès son commencement une opération militaire qui n'a fait que réveiller les anciennes lignes de fracture qui ont toujours existé dans le pays. Nous retournons donc, une fois de plus, avec M. X en Libye, pour analyser et comprendre les graves dérives actuelles, mais d'abord pour évoquer une mystérieuse affaire qui s'est achevée par la mort du seul Français victime du conflit libyen, Pierre Marziali. Était-il un mercenaire, un soldat perdu, ou plus vraisemblablement un homme assassiné parce qu'il avait eu le tort de dire la vérité? Et dans ce cas, on se trouverait devant une véritable affaire d'État. Enfin, la question d'une nouvelle intervention militaire en Libye fait débat dans la communauté internationale. Certains y voient la seule possibilité de couper les têtes de l'hydre terroriste qui sévit dans le Sahel. Mais est-elle envisageable sans la pacification préalable du nord de la Libye? Dans un instant, la première partie de cet entretien avec M. X. وحشكي حال المي قولي لي راحوا فين وحشكي حال المي رسيني يا سيد تعذب فين اللي راح فين اللي غاب. rendez-vous avec X. Si on observe froidement la situation libyenne, il faut bien admettre que la destitution de Kadhafi et sa mort n'ont fait qu'accroître la terreur et la violence. Alors, il fallait permettre au dictateur libyen de continuer à régner sur son pays en torturant et en faisant fi des droits de l'homme ? Non, je n'ai pas dit ça, mais il faut bien constater que les va-t-en-guerre qui ont poussé à l'intervention militaire en Libye n'ont pas pensé un seul instant à ce qui pourrait se passer après. Ouais. Alors pourquoi, d'après vous ? Il n'y a que deux explications. D'abord parce qu'il y avait une priorité. Il fallait à tout prix se débarrasser de Kadhafi. Un type qui avait non seulement soumis son peuple par la violence, mais qui avait aussi empoisonné le monde entier en donnant asile aux pires terroristes qui soient. Et qui avait aussi aidé ces derniers à perpétrer d'innombrables attentats. Ouais, même si c'était calmé, il a fait même un monde honorable en se pliant aux injonctions de la communauté internationale. C'est exact. Mmh. Mais c'était trop tard. D'autant qu'un Kadhafi vivant aurait pu se révéler très gênant. Ah oui, à cause de ce qu'il savait. C'est ce que je pense. Mais on aura sans doute l'occasion d'aborder ce point crucial. Ensuite, les Français, les Britanniques et une partie de ceux qui les ont soutenus. À commencer par les Américains. Bien sûr. Mmh. Donc, tous ceux-là sont partis en guerre avec des idées fausses. Ils croyaient ou feignaient de croire qu'il existait en Libye un camp laïque ou libéral qui serait capable de damer le pion aux extrémistes islamistes. Et qui, à terme, pourrait l'emporter. Et qui conduirait donc le pays vers une transition démocratique à la tunisienne. Mais c'était une pure vue de l'esprit. En réalité, même ces prétendus laïcs étaient nourris d'une idéologie fondamentaliste. On l'a très vite compris quand, à peine arrivés sur les premières marches du pouvoir, ils ont clamé que leur pays devait être régi par la charia. C'est en effet une curieuse conception de la laïcité. Je pense. Et ça nous mène tout droit à cette grave affaire dont je voulais vous parler pour commencer. Oui, la mort d'un mercenaire français. Pierre Marzialy, oui. Un homme qui, officiellement, a été victime d'une bavure commise par des membres d'une milice de Benghazi à la suite d'un contrôle d'identité qui aurait dégénéré. Mmh. Une balle tirée presque accidentellement par un des miliciens. Et c'est le drame. Mmh. Mais c'est une version qui ne vous convainc guère. C'est le moins qu'on puisse dire. Car, dans les faits, il semble bien que Marzialy a été victime d'un véritable guet-apens. On voulait le tuer. C'est très probable. Alors, procédons dans l'ordre. Et d'abord, qui était ce personnage ? Marzialy, qui avait une cinquantaine d'années, était un ancien adjudant-chef de l'armée française. Incorporé dans les forces spéciales, ce para a servi sur plusieurs champs d'opérations très chauds, en particulier au Liban, pendant l'interminable guerre civile qui a ensanglanté le pays. Mais aussi en Bosnie ou au Rwanda. Un homme d'expérience, par contre. Absolument. Titulaire de plusieurs médailles, Marzialy pense à la suite. Sa retraite de l'armée. Et donc à sa reconversion. Avant même d'avoir quitté le service actif, il a une idée. Créer une entreprise française de sécurité sur le modèle de la trop célèbre compagnie Blackwater. Ouais, c'est-à-dire une armée de mercenaires. Hein. Oui, enfin on dit une armée privée. Ça sonne mieux. Blackwater, je vous le rappelle, c'est la plus puissante armée privée au monde. Elle compte aujourd'hui plus de 20 000 salariés. Et vous le savez, car c'est un sujet que nous avons évoqué autrefois, Blackwater, à la suite de nombreux incidents mortels aussi graves qu'embarrassants. En Irak. Hein. Notamment, oui. Donc, cette société américaine a dû changer plusieurs fois de nom pour ravaler sa façade. Aujourd'hui, elle s'appelle Academy. Mais ça ne change rien. Ce sont toujours les mêmes dirigeants et les mêmes méthodes. J'ajoute, mais ça semble aller de soi qu'il s'agit là d'un commerce très fructueux. Car les contrats que ces armées privées signent avec l'administration des États qu'elles servent sont mirifiques. Ouais. Et ces mêmes États ont de plus en plus besoin de ces sociétés mercenaires. Bien entendu, parce que les budgets militaires ne sont pas extensibles à l'infini et que ces contrats aident à masquer les augmentations des dépenses. Ensuite, ça permet, si j'ose dire, de pousser la poussière sur le tapis. C'est-à-dire ? Eh bien, quand les choses tournent mal, les États peuvent soutenir qu'ils ne sont absolument pas concernés. Ouais, c'est parfaitement hypocrite. Hein. Ah, mais c'est la réalité. Quand il y a de sales besognes à accomplir, on les confie en priorité au privé. Mais vous savez déjà tout cela, donc je passe. Pierre Marzialy, bientôt retraité de l'armée, rêve de construire une Blackwater française. Sauf que, à ma connaissance, la loi française interdit les activités de mercenariat. C'est exact. Mais il suffit de parler de sociétés de sécurité privée pour éviter l'obstacle. Il en existe déjà plusieurs en France. Au reste, Marzialli, lui, n'a pas ce genre de pudeur. Pour lui, son entreprise, la Secopex, sera bien une SMP, c'est-à-dire une société militaire privée. Et Secopex, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une contraction de sécurité et opérations extérieures. Ouais, donc c'est assez clair. Hein. Oui, la Secopex est créée en 2003. Mais jusqu'en 2007, elle vivote. Marzialli a alors une intuition. Il pense qu'il y a une place à prendre au Sahel pour une société comme la sienne. Oui, à cause de la montée en puissance des djihadistes d'ACMI. Et des menaces croissantes qui vont avec. Ouais, oui. L'industrie des otages. En particulier. Mais Marzialli bénéficie-t-il d'une compétence quelconque pour penser à agir au Sahel? Il a une expérience d'homme de terrain, mais ça ne suffit pas. Aussi va-t-il s'associer avec un vrai connaisseur de la région, un drôle de fusil. Que voulez-vous dire? Il s'appelle Robert Dulas, alias Bob. Âgé d'une soixantaine d'années, c'est un personnage qui traîne ses bottes en Afrique depuis de longues années. Il a été conseiller de plusieurs présidents africains francophones, comme les Ivoiriens, ou Fouette-Boigny, Bédier, Gay, ou encore le centrafricain Bozizé. Mais alors c'est lui aussi un sorcier blanc, là, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée la semaine passée, pour me parler de ces Français qui conseillent et influencent le président togolais, sans oublier d'en tirer de sérieux profits. Il y a de ça, en effet. Mais disons, pour simplifier, si c'est possible, que Dulas évolue entre la barbouzerie et la diplomatie. C'est un homme qui rend des services, parce qu'il connaît beaucoup de monde. En Afrique, bien sûr, mais aussi en France. Dans les services secrets? Pourquoi pas? Mais pour Marzialli, Bob a surtout un grand intérêt. Il connaît très bien le Sahel, car au fil du temps, il a su tisser un important réseau d'informateurs. Ça va du chef de tribu Touareg jusqu'au simple chamelier. Ah, des contacts personnels. Établis sur place au fil des nombreux voyages que Dulas a accomplis. Il lui a fallu sans doute user de beaucoup de patience avant d'établir des liens de confiance avec ces hommes. Mais dans quel but? Il est certain que les renseignements qu'il recueillait intéressait de nombreuses personnes. Ah ouais, pouvait donc donner lieu à rétribution. Ça me paraît évident. Une information, ça se paie. Ça peut même valoir très cher. Et quand il y a des prises d'otages à la clé, n'est-ce pas? Naturellement. Dulas, c'est probable, a réussi à localiser des lieux de détention de certains otages français, comme ceux de la mine d'Arlit au Niger, qui ont été enlevés en 2009. Alors Marzialli, en s'associant avec ce Dulas, pense avoir misé sur le bon cheval. Sûrement. Et ensemble, les deux dirigeants de la Secopex, apparemment bien informés, ont tenté de se mêler du processus de libération des otages. Mais ça a coincé. Ouais, parce qu'ils n'étaient pas les seuls. Et que leur intervention risquait même de gêner les autres acteurs qui effectuaient un travail identique. Alors, autant vous dire que les gens de la DGSE ont vu cela d'un mauvais œil. Est-ce que, si on avait laissé les coups des franches à Dulas, la libération des otages d'Arlit aurait pu intervenir plus vite? Dulas, lui, le prétend. Mais d'autres spécialistes en doutent. En tout cas, en l'occurrence, les gens de la Secopex ne se sont pas fait que des amis. Et ça a forcément laissé des traces. Vraiment Robert Dulas. Dans un numéro du Monde de novembre 2014, Laurent Tellot écrit ceci. Robert Dulas devrait être mort, ou bien riche à millions, ou bien alors enterré avec ses millions. En attendant, il porte des jeans et des baskets à un brun pourri, a l'air aussi fatigué qu'un élastique détendu, et fume une énième cigarette dans un bureau de rez-de-chaussée un peu vide, un peu bizarre, sur le boulevard Haussmann, au cœur de Paris. J'aide un copain qui veut exploiter une mine au Mali. Le regard en biais signifie qu'il n'en dira pas plus. Le Mali, c'est chez lui, comme partout où il y a des Touaregs et des Africains qui parlent français. En réalité, Bob Dulas est une sorte de prototype qui évolue dans la zone grise de la barbouzerie et du renseignement international. Un mi-chemin entre l'affreux Bob Denard et le sémillant porteur de valises de la France-Afrique, Robert Bourgi. Que de Robert et que de mystère. France Inter, Patrick Pénaud, à rendez-vous avec X. Sans cesser de garder un œil sur le Sahel, les deux dirigeants de la CECOPEX pensent à offrir leur service à la Libye. Où Kadhafi est encore au pouvoir, hein? Et ça ne leur pose pas de problème? Pas particulièrement, car pardon si je me répète, mais Kadhafi a alors montré patte blanche. Surtout depuis qu'il a accepté d'indemniser les victimes des attentats de Lockerbie et du Sahara. Ouais, là, au Sahara, c'est le DC-8 du TH, je crois. Sans toutefois reconnaître sa culpabilité. Mais il ne pouvait plus nier que ses services avaient été impliqués à un niveau ou à un autre. En tout cas, il redevient donc fréquentable et suscite de nombreuses convoitises. Oui, la Libye, grâce à sa rente pétrolière, est très riche. Alors ne parlons que des initiatives françaises. Dès 2004, Jacques Chirac débarque à Tripoli avec une escorte d'industriels désireux de passer les marchés. Puis, un an plus tard, c'est son ministre de l'Intérieur qui fait le voyage. Nicolas Sarkozy. Oui, la visite a été préparée par son directeur de cabinet, Claude Guéant. Et déjà, c'est un certain Ziad Takieddine qui a joué les intermédiaires. Ouais. Mais, attendez, Sarkozy, là, n'est que ministre de l'Intérieur. Que vient-il faire en Libye? Effectivement, ça peut étonner, mais officiellement, il vient mettre la touche finale à des contrats d'armement et de sécurité. Figure à peu près certainement dans ce paquet la vente d'un programme contestable, mais qui ne sera contesté que bien plus tard, après la chute de Kadhafi. De quoi voulez-vous parler, là? Nommé Homeland Security Programme. C'est un système d'espionnage qui permettra aux guides libyens de mieux surveiller et réprimer ses opposants. Et alors, c'est une société française qui l'a conçue et vendue à la Libye? Parfaitement. Amesis, une filiale du groupe Bull. Ouais. Alors, et quand on découvrira l'affaire, après la chute de Kadhafi, il apparaîtra que la France a par conséquent apporter son aide au système totalitaire libyen. En renforçant ses possibilités d'espionner sa population. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la modeste CECOPEX n'était pas la première société française à vouloir traiter avec la Libye. Par conséquent, ces deux dirigeants, qui n'étaient pas par ailleurs des parangons de moralité, n'ont eu aucun scrupule à proposer leurs services aux autorités de Tripoli. Est-ce que leurs offres ont été retenues? D'après ce que je sais, non. Mais ils ont quand même été reçus par le gratin des proches de Kadhafi. Ils ont pu en particulier nouer des rapports assez confiants avec un Libyen très important, Béchir Salé, l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi, devenu le dépositaire de tous les secrets financiers du guide. On a même dit que c'était le monsieur tiroir-caisse de Kadhafi. Hein. Oui, un fidèle qui était aussi chargé de distribuer la manne octroyée par le dictateur. Parenthèse ou petit rappel, car je crois vous en avoir déjà parlé. Après la chute de Kadhafi, Salé a été l'objet d'une intense curiosité. Oui, parce qu'il était à même de révéler quelles étaient les organisations ou les personnes à qui Kadhafi avait versé de l'argent. Et même Interpol le recherchait. Eh bien, il a été exfiltré de Libye par des agents français. Et ensuite, il a bénéficié d'une exceptionnelle protection sur notre territoire, jusqu'au jour où cette situation n'était plus tenable, car la présence de Salé avait été repérée. Donc, il a fallu lui demander poliment de partir? Oui, mais ça a été fait avec beaucoup d'égards. Salé a été conduit jusqu'à la passerelle d'un jet qui s'est sans doute envolé vers l'Afrique. Ouais, il est parti avec ses secrets. Mais si les autorités françaises ont été aussi courtoises avec lui, il devait y avoir une bonne raison. C'est évident. On ne voulait surtout pas qu'il raconte ce qu'il savait. Et là, il est difficile de ne pas penser aux rumeurs sur le financement de la campagne électorale de Sarkozy par les Libyens. Ouais, une thèse que soutiennent depuis longtemps Edwy Plenel et son site d'information Mediapart. Oui, sans toutefois apporter de preuves décisives. Enfin, je m'éloigne. Alors revenons à la CECOPEX, qui veut aussi sa part du gâteau libyen. Et quoi précisément? Des ventes d'armes ou de matériel, des entraînements pour les forces spéciales. Mais ça ne marche pas. Sans doute parce qu'ils empiétaient sur des chasses gardées. Ils sont donc poliment et conduit en 2008 ou 2009. Cependant, les deux Français sont appelés d'urgence en mars 2011 par Béchir Salé en personne. À un moment, donc, en mars, où la révolution libyenne a déjà commencé. Hein. En février, oui. Il y a donc le feu à la maison de Kadhafi. Et que veut Salé, alors? Il leur demande de venir le plus vite possible à Tripoli. La suite a été racontée par le seul Robert Dulas, puisque Pierre Marziali ne tardera pas à être tué. Vous voulez dire que cette version Dulas pourrait être sujette à caution? Je ne sais pas, mais je préférais vous prévenir. Encore que son récit me paraisse relativement vraisemblable. Donc, les deux hommes rencontrent Salé, puis un certain général Mansour, un neveu de Kadhafi qui est chargé de chapeauter l'information. Puis ils sont mis en présence du Premier ministre, Baghdadi al-Mahmoudi. Et là, on va leur faire part d'une information sensationnelle. Kadhafi est prêt à se retirer du pouvoir et à laisser la place à son fils Saïf al-Islam, le temps d'organiser des élections démocratiques. C'est crédible, ça? D'après ses interlocuteurs, le guide est vraiment décidé à trouver une issue pacifique à la crise libyenne. Et il veut le faire savoir. C'est pourquoi les deux dirigeants de la CECOPEX ont été convoqués de toute urgence à Tripoli. D'accord, mais enfin, pourquoi faire passer ce message très important par ces deux représentants d'une modeste société de sécurité? Vous avez raison, ça semble insensé. Parce que les Libyens auraient pu choisir d'autres canaux, diplomatiques par exemple. En même temps, il est demandé à Marziali et Dulas de livrer du matériel pour l'armée libyenne. Mais les deux hommes, se récrient, ne peuvent agir contre leur pays qui a choisi de se ranger aux côtés des rebelles. À la rigueur, ils peuvent fournir des médicaments, et c'est tout. Les deux hommes comprennent néanmoins que les Libyens ont le sentiment d'être trahis. Trahis par la France? Oui. D'autant, leur dit le Premier ministre, que tous les éminents visiteurs français qui sont venus nous voir avant les événements ne sont jamais repartis les mains vides. Une grave accusation. Mais je poursuis. Dulas revient en France. Il a alors une curieuse impression. Manifestement, il est attendu. À l'aéroport, il a droit à une fouille complète. Et tous les documents qu'il porte sur lui sont photocopiés. Par qui? Vraisemblablement par des policiers qui sont en cheville avec les services de renseignement. Et alors, le message qu'il est censé transmettre à Paris, là, ce projet de Kadhafi qui voudrait se retirer? Dulas affirme qu'il contacte l'une de ses connaissances à la DCRI. C'est-à-dire le renseignement intérieur. C'est ça. Et lui est promis que le message sera communiqué en haut lieu. Donc, il a rempli sa mission. C'est son sentiment. Et Marziali, lui? Lui, il est resté en Libye et il se rend à Benghazi. Qui est alors le cœur de la rébellion. Oui, il n'a pas renoncé à son rêve de faire de sa petite société une Blackwater à la française. Il a même imaginé un nouveau plan. L'ouverture d'un couloir entre l'Égypte et la zone dorénavant aux mains des révolutionnaires. Mais pourquoi, hein? Ce couloir, dont il assurerait la sécurité, permettrait les déplacements des diplomates et des hommes d'affaires qui voudraient atteindre Benghazi. C'est sérieux? Marziali y croit, et n'est pas le seul. Expliquez-moi. C'est l'un des mystères de cette affaire embrouillée. Marziali travaille aussi pour un client important. Ça fait déjà un certain temps que, dans le plus grand secret, il entretient des relations avec les Américains. Les Américains, mais qui? Avec des gens qui, comme lui, travaillent dans l'ombre. Ces types qui sont des modèles pour lui. Blackwater? Ou plutôt son nouvel avatar, Academy. Et d'un seul coup, on comprend mieux pourquoi Marziali se lance dans une aventure aussi ambitieuse que celle de l'ouverture de ce couloir. Oui, parce que les Américains, eux, pensent déjà à l'avenir. C'est-à-dire à la possibilité de passer des contrats avec ceux qui seront peut-être demain les maîtres du pays. Ces rebelles qui ont pris les armes contre le régime de Kadhafi. Ça signifie en tout cas que Marziali a réussi à nouer de bonnes relations avec les rebelles qui tiennent Benghazi et sa région. Apparemment. Ouais. Il a donc tourné casaque parce que c'était plutôt avec l'autre camp qu'il copinait. Et d'une certaine façon, ça peut être très dangereux. Mais Marziali semble assez sûr de lui. Et pourtant, il a récolté quelques renseignements plutôt préoccupants. Quoi? Un tout petit peu de patience. Pierre Marziali revient alors en France. Ouais. On est quand, là? Dans les premiers jours d'avril 2011. Et aussitôt, Marziali confie à son compère Dulas tout ce qu'il a appris. Immédiatement, les deux hommes décident qu'ils ne peuvent garder pour eux des informations aussi importantes et même explosives. Mais Marziali, lui, le paiera très cher. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Extrait d'un article du site Mediapart mis en ligne en octobre 2014. Les auteurs Fabrice Arfi et Karl Lask interrogent Robert Dulas, co-auteur d'un ouvrage récent « Mort pour la France-Afrique ». Il lui demande des explications à propos de sa rencontre avec le premier ministre de Kadhafi, Baghdadi al-Mahmoudi. Question. Que vous a dit le premier ministre libyen ? Je ne peux pas balancer comme ça ce qu'il m'a dit, pour des raisons juridiques. Question. Dans le livre, vous écrivez que le premier ministre vous a dit qu'en 6 mois, M. Claude Guéant s'est assis 11 fois dans le fauteuil où vous avez pris place. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces visites et sur les explications de Baghdadi à l'époque ? Je ne peux pas vous dire ce que Baghdadi m'a dit parce que cela met en cause de hautes personnalités françaises qui étaient en place à l'époque. Question. Cela met en cause leur probité publique sur des questions financières ? Oui, tout à fait. Question. À l'époque, vous êtes surpris de ces révélations de Baghdadi ? Ah oui ! Je tombe de ma chaise. Je savais qu'il y avait une relation particulière. Personne n'allait voir Kadhafi sans repartir avec une enveloppe. Cela n'existait pas. Quand il m'explique la chose, je comprends qu'à un certain niveau, ce n'étaient plus des enveloppes, mais des valises. Alors, que font les deux hommes de ces informations explosives ? Récolté par Mazyali à Benghazi. Ils décident qu'ils ne peuvent pas se taire. Par conséquent, ils rédigent une note destinée aux plus hautes autorités françaises. L'Élysée ? Bien sûr. Alors auparavant, voyons ce que contient ce document. Il y a 3 points. D'abord, les deux hommes attirent l'attention sur un danger imminent. La chute de Kadhafi va aboutir à la réouverture de la route dite du sel, au sud du pays. Qu'est-ce que c'est, cette route du sel ? Il s'agit d'une route qui a traditionnellement été fréquentée par les trafiquants de toute nature. Armes, drogues, êtres humains, etc. Mais Kadhafi, en exerçant un contrôle sévère, a mis fin à ce trafic. Qui ne demande qu'à reprendre. Oui. Deuxième point. Il existe désormais, non loin de Benghazi, un centre de formation à l'islam radical pour les candidats libyens et non libyens. Enfin et surtout, le troisième paragraphe de la note est particulièrement préoccupant. Il porte sur la composition du CNT. Ouais, ça, c'est le Conseil national de transition. Qui va revendiquer rapidement la direction de la révolution. Rappelons que c'est un organisme autoproclamé dont la légitimité est pour le moins douteuse. En réalité, c'est l'Occident, c'est-à-dire Paris, Londres et accessoirement Washington, qui en feront un interlocuteur obligé. Auparavant, un petit rappel, là, quels sont les hommes qui composent ce CNT ? Ils sont une trentaine, mais en prétextant des raisons de sécurité, ils ne se feront connaître que bien tardivement. À noter d'ailleurs que nombre d'entre eux sont des Libyens de l'étranger, coupés depuis longtemps de leur patrie. Cependant, 2 figures émergent. Le premier, Mustapha Abdeljalil, est un apparatchik du régime kadhafiste. Magistrat de formation, cet islamiste a condamné à mort à 2 reprises les infirmières bulgares. Ah ouais, sur ordre du guide. Forcément. Hein. Ouais. Il faut rappeler que c'était des infirmières accusées à tort d'avoir inoculé le virus du sida à des enfants libyens. Hein. Abdeljalil, il faut le noter, ne s'est rallié à la rébellion que 5 jours après son commencement. Et pourtant, il va prendre la présidence du CNT. Ouais, étonnant. Et l'autre homme ? Il se nomme Mahmoud Jibril. Lui aussi a un lourd passé kadhafiste, ministre et principal conseiller d'un fils du guide, Saïf. Il a quitté le gouvernement libyen seulement quelques mois avant le début de l'insurrection. Avant, il a effectué une carrière de riche consultant à l'étranger. Ouais. Ces 2 dirigeants sont donc des révolutionnaires de la dernière heure. Hein. Et pourtant, ils vont être propulsés à la tête du CNT. Adoubés par Bernard-Henri Lévy, qui est directement responsable de leur ascension éclair, alors que l'écrivain n'est arrivé à Benghazi que le 1er mars. Ouais, donc seulement 15 jours après les premières manifestations. Et qu'il ne connaissait nullement ces 2 hommes. Et alors leur passé n'inquiète pas BHL ? Absolument pas. En quelques jours, son opinion est faite. Ce seront les dirigeants du CNT. Et il va convaincre Nicolas Sarkozy de la justesse de son choix. Ouais. Le président, lui aussi, aurait pu se méfier, non ? Libre à vous de le penser. Mais la France va les reconnaître très vite comme les représentants officiels de la Libye. Une précipitation qui ne peut s'expliquer que par la volonté de Sarkozy de tourner au plus vite la page Kadhafi. Alors, je poursuis. Le 3e point, de la note d'Ulas Mirzali concerne donc la composition du CNT, une assemblée d'une trentaine de personnes dont, je vous l'ai dit, on ne connaît qu'une poignée de dirigeants. Or, d'après les informations de Mirzali, ce CNT regrouperait pour moitié des intégristes proches d'Al-Qaïda, tandis que l'autre moitié compterait d'anciens kadhafistes, avec quand même une minorité de démocrates pour donner le change auprès des médias. Et c'est en parfaite contradiction avec ce que prétend BHL, qui les présente comme des démocrates. Il a donc été, pour le moins, abusé. C'est évident. Et si ça se savait, ça serait aussi un cruel désaveu pour Sarkozy, qui a déjà publiquement reconnu le CNT. Et qui, surtout, sur la foi des informations de ce CNT et de BHL, a ouvert les hostilités contre la Libye de Kadhafi dès le 19 mars. Alors que devient cette note très embarrassante ? Dulas est en très bon terme avec un commissaire détaché à l'Élysée pour les affaires de renseignement. Il lui remet la note le 14 avril. Et ce policier lui promet qu'il va la transmettre en main propre au ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, et à la présidence. Mais ce que ni lui, ni Dulas ne peuvent savoir, c'est que ce même 14 avril, Nicolas Sarkozy a reçu BHL et a nommé Mustapha El Saghezli, le numéro 2 de la principale force armée de la Révolution, la Brigade des Martyrs du 17 février. Ouais, le 17 février qui rappelle les premiers morts de l'insurrection. C'est ça. Or, cette brigade est montrée du doigt dans la note de Mirzali Dulas. Elle serait un repère d'islamistes. Et que sont devenus demander BHL et cet homme-là au cours de leur rendez-vous à l'Élysée ? Ben de l'aide et des armes, et ils ne doutent pas qu'ils obtiendront satisfaction. Donc la note, là, tombe plutôt mal. Ben c'est certain. Et à mon avis, à peine lue, elle a dû être remisée dans un coffre d'où elle ne ressortirait plus. Mais c'est la suite qui ne laisse pas de poser de graves questions. Pierre Mirzali, lui, avant même que son compère fasse parvenir leur note à l'Élysée, repartit en Libye, à Benghazi plus particulièrement. Alors donc que les forces aériennes franco-britanniques ne cessent de bombarder des objectifs kadhafistes. Mirzali, avant de repartir chez les insurgés de Benghazi, n'a-t-il pas essayé de prendre langue avec les services français ? Pour obtenir un feu vert ? Bah oui, ce serait normal. Entièrement d'accord. Il a même été question qu'il soit accompagné par deux agents des services de renseignement. Mais au dernier moment, ces types se sont désistés. Ouais, donc pas de feu vert. Mais il semble qu'on lui ait au moins accordé un feu orange. Ouais, c'est-à-dire, on ne vous empêche pas d'y aller, mais c'est à vos risques et périls. Vous avez compris. Mais attention, ce feu orange a été délivré avant la transmission de la fameuse note. Ah oui, parce que si on avait su, le feu aurait été carrément rouge. Ah ben j'en suis persuadé. Début mai, Mirzali se trouve à Benghazi, où il a rejoint une petite équipe de sa société, la Secopex. Et très certainement, se trouve là en service commandé pour ses clients américains. Un soir, le 14 mai très précisément, il dîne au restaurant avec quatre de ses amis. Puis, tous reviennent à pied vers leur hôtel. C'est alors qu'ils sont interceptés par des hommes armés et cagoulés qui entendent les contrôler. Ouais, et ça va déraper. Oui. Les cinq hommes sont plaqués au sol, ventre contre terre, et soudain un coup de feu claque. Pierre Mirzali est mortellement touché et mourra bientôt à l'hôpital, tandis que les autres sont embarqués et seront détenus plusieurs jours. Non, sans avoir été sévèrement interrogés et même, selon ce qu'ils ont dit ensuite, torturés. Et ces cagoulés-là, qui étaient-ils ? C'était des miliciens de la brigade du 17 février. Ils ont affirmé que Mirzali avait été tué par accident. Et les gens du CNT, c'est-à-dire les amis de Bernard-Henri Lévy, ont parlé d'un incident qui avait dégénéré et au cours duquel un espion avait trouvé la mort. Un espion ? C'est-à-dire pour eux un homme qui travaillait pour Kadhafi. Il est vrai que les contacts passés de Mirzali avec l'entourage de Kadhafi aurait pu laisser penser... Non, pardonnez-moi, mais j'ai du mal à avaler la pilule. Il est difficile de ne pas penser à cette note transmise à l'Élysée, dans laquelle Dulas et Mirzali dénonçaient, entre autres, cette brigade du 17 février. Alors, un assassinat ? Pourquoi pas ? Et le commanditaire ? Il me paraît quand même difficile de mettre en cause les plus hautes autorités françaises ou les services, au seul prétexte que cette note contrariait leur thèse. Mais imaginez, si quelqu'un avait parlé de cette note, et si l'information était parvenue, comme par hasard, aux oreilles des chefs de cette brigade... Une fuite alors ? Ça ne me semble pas impossible. Un mot encore. Dans le livre déjà cité de Robert Dulas, coécrit avec Marina Ladouce et Jean-Philippe Leclerc, j'ai trouvé une interview d'un ancien patron de la DGSE, Alain Juillet. Extrait. Je suis trop vieux dans ce métier pour croire aux coïncidences. Quand j'ai appris que Marziali s'était fait flinguer, j'ai bien dit flinguer, j'ai aussitôt pensé il a été exécuté. Je n'ai jamais cru à l'histoire de la balle perdue au contrôle de police. À samedi prochain pour un autre entretien consacré au chaos libyen. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Monsieur Joub et préparée par Rebecca Denant qui lit pour nous ceci. On reste en Libye, Patrick, avec le livre testament du journaliste Roger Hawk, décédé récemment, qu'il a écrit en collaboration avec son confrère Jean-Michel Verne. On y apprend notamment que ce serait la Libye qui aurait payé la rançon des otages français au Liban dans les années 80. Parmi eux, Roger Hawk, qui fut libéré après 10 mois de captivité en novembre 1987. C'est cet argent qui aurait ainsi mis un terme au contentieux Eurodif entre la France et l'Iran. Un sujet dont X a déjà longuement parlé. Le livre s'appelle « Au service secret de la République » et il est publié chez Fayard. Merci Rebecca, vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr à samedi prochain et tout de suite après le flash CO2 « Mon amour » de Denis Chessou.